Et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz ou en streaming à partir de son blog asile35.blogspot.fr ou aussi sur mixcloud.com/redman. Première émission en direct de nos nouveaux studios de Canal B, donc je découvre un peu les lieux, c'est cosy. Alors peut-être qu'il y aura une coupure de courant, peut-être un départ d'incendie. Peut-être que je vais finir carbonisé au cours de cette émission. Un programme de fête pour cette première de l'Asile le plus sûr dans ses nouveaux locaux. Et on démarre avec You Can Dance, le combo éthiopio-lyonnais dans lequel on retrouve le chanteur et percussionniste Asnaké Ghebreyes, qui faisait partie des tournées de Ketachu Mekuria en compagnie de ZX il y a de ça quelques années, et aussi du projet de Mohamed Jimmy Mohamed. Et surtout, ce sont quatre Lyonnais et la patte du guitariste de Kouma, monsieur Damien Cluzel, qui signe la plupart des compos, notamment celle de leur premier opus long qui était sorti à la fin de l'année 2012 chez Buda Music, qui est une vraie tuerie, l'album Yetcheva. Mais ce soir, je vous propose d'attaquer avec leur dernier 45 tours qui est sorti à l'automne dernier, sorti chez Dur et Doux, association lyonnaise qui produit notamment Schromb ou encore Poil. Et You Can Dance viennent juste de terminer une petite tournée de 15 jours. Et ils sont en plein enregistrement en ce mois de février au studio Kerwax de Logigi Ploukras dans le Trégor. On écoute la face B de ce 45 tours, le morceau ND Jérusalem par You Can Dance. That's what I'm doing. Une séquence pour bien démarrer et réchauffer le fond de l'air et aussi donner un peu de couleur à ces tout nouveaux studios de Canal B qui sont encore la peinture. On a démarré avec You Can Dance et leur dernier 45 tours sorti il y a de ça quelques semaines. C'est disponible chez Dur et Doux et aussi sur la plateforme digitale Atypic Music. Le combo de Lyon et aussi d'Addis Abeba qui va sortir un nouvel album sans doute à la fin de cette année puisqu'ils sont en enregistrement en ce mois de février et on attend ça avec impatience. Le groupe du guitariste de la formation free rock lyonnaise Kouma en compagnie du percussionniste et chanteur Asnaké Ghebreyes qui était enchaîné avec le second album du compositeur et performeur d'origine égyptienne Maurice Luka qui s'intitule Benaï al-Bagaan, qui est sous-titré Salute the Parrot. C'est sorti chez Nawa Recordings au début du mois de décembre. Et donc c'est le deuxième album de ce monsieur qui fait partie du groupe de Folktronica Bikaya et qui joue aussi dans Aleph Ensemble. On le retrouve assez régulièrement aussi aux côtés d'Alan Bishop, des Sun City Girls et autres Alvarius B, Invisible Hands, ou encore de Mr. Sam Shalabi de Shalabi Effect, ou encore Land of Kush, donc des musiciens qui pratiquent assez régulièrement la tambouille entre Shahabi traditionnel égyptien et pas mal d'autres choses, notamment de l'électronique et du psychédélisme. Un second disque donc pour Maurice Luka plutôt très réussi, sur lequel on retrouve d'ailleurs également le percussionniste d'origine libanaise Khaled Yassine, collaborateur de pas mal de gens dont notamment Anwar Brahim et fondateur d'un trio dont on est carrément fondu à l'asile qui s'appelle Malayin, qu'on va écouter tout de suite. Trio plutôt électroacoustique et un peu d'expérimentation contemporaine d'origine libanaise dans lequel on retrouve ce fameux Khaled Yassine aux côtés de Rai Yassine au clavier électronique et de Charbel Habel à la guitare électrique pour un mélange de musique issue de la diaspora mélangée avec des sonorités électroniques assez nouvelles. Je vous avais proposé déjà à deux reprises ce LP éponyme de Malayin sorti conjointement entre l'excellent label Ania Records qui avait sorti notamment des disques de Rabi Beyani et aussi d'ailleurs de Raed Yassine en solo, en coproduction avec un label britannique d'expérimentation sonore qui s'appelle Discrépante. Et là, le morceau que je propose ce soir est certainement le morceau le plus dansant de Malayin, une excellente pièce. On écoute le titre du très belle LP éponyme de Malayin, le temps de retrouver mon petit papier, c'est le morceau Fifi. Thank you. Une séquence d'hypnose sonore pour atteindre le Tarab et tester les nouveaux caissons de basse de la station Canal B avec le trio libanais assez fantabulesque Malayin et ce premier LP éponyme qui était sorti au printemps 2014 que mes camarades de l'excellente émission du dimanche soir Ça va faire un hit. Vous avez d'ailleurs aussi proposé plus souvent qu'à leur tour. On avait dû passer à peu près trois quarts de ce très très beau disque à nos deux émissions. Ça va faire un hit donc à 18h30 et l'asile le plus sûr de ce LP de Malayin qui est disponible d'ailleurs à Rennes à l'excellent disquaire Rue Poulain du Parc que vous connaissez bien évidemment ou encore via le distributeur Metamkin qui le distribue d'ailleurs, enfin qui distribue le label qui coédite ce très beau disque, le label Discrépante, donc un trio d'électro-acousticiens libanais qui pratiquent aussi l'improvisation libre, notamment pour le claviériste Rae Yassine qu'on vous avait passé aussi aux côtés de Mazen Kerbash et Sharif Chenaoui. Voilà donc dans le paysage des nouvelles musiques libanaises et Khaled Yassine qui pratique les percussions aux côtés d'une foultitude de musiciens, notamment Bu Besseltoff. Voilà, donc on va enchaîner avec tout autre chose et une formation suisse, un jeune trio originaire de Lucerne qui répond au nom totalement imprononçable de Schneller, Toller, Meyer et qui viennent de faire paraître un deuxième album qui lui est beaucoup plus facile à prononcer puisqu'il s'appelle tout bonnement X. C'est sorti chez l'excellent label de Silver Springs qui vient de fêter ses 30 ans cunéiforme, l'excellent label des musiques de traverse progressive et de jazz contemporain. Quant à Schneller Tollermeyer, originaire donc des Alpes suisses, il pratique une sorte de avant-prog matinée de jazz brutal. C'est un trio guitare basse batterie, donc somme toute assez classique, qui existe depuis une demi-douzaine d'années. Le guitariste Manuel Troller a étudié aux côtés de Fred Friss et a joué avec pas mal de monde, notamment le batteur de jazz free et de musique contemporaine Jerry Hemingway, et ça s'entend plutôt. Alors j'ai pas écouté leur premier album, mais celui-ci est vraiment très très réussi. On écoute le titre qui démarre cet album X de Schneller Toller Meyer. Bah, c'est tout bonnement le titre X lui-même qui dure pas moins de 20 minutes, mais qu'on écoutera juste en partie. We'll be right back. There's a man, old man, sits out on the porch on a shotgun shack on Route 322 South Meadville. He sees you, but you don't see him. Maybe speeding past 60 miles an hour. But he can see you. And you can see your hopes and dreams and fears trailing behind you like scraps of paper that have been torn from a map. He sees you. See what could have been. To know what should have been. Sur l'antenne de Canal B, vous avez pu entendre tout d'abord le jeune groupe suisse très très prometteur. Je pense qu'ils ont à peu près 25-30 ans au compteur. Les gens de Schneller Tollermeyer, trio des Alpes suisses du côté de Lucerne, qui apparemment viennent du conservatoire et ont pratiqué pas mal le jazz contemporain. Et depuis quelques temps, ils se mettent à tricoter des choses un peu plus barrées du côté d'une sorte de free rock assez radical. L'album s'intitule X, il est sorti sur l'excellent label Cuneiform. Dans sa livraison de début d'année, 6 albums ou 5 albums au compteur, dont un disque d'un live en Suisse, d'ailleurs aussi de Soft Machine de 1974. Il y a également un opus aussi du regretté saxophoniste Mike Osborne, et surtout la rencontre entre les guitaristes Henry Kaiser et Ray Russell, avec pas mal de gens embarqués, une douzaine de musiciens et pas des moindres. L'excellent disque donc The Celestial Squad. Quant à Schneller Tollermeyer, là je vous ai passé vraiment un tout petit extrait de ce disque qui est très très bon. On a écouté même pas la moitié de cette pièce de 20 minutes qui s'intitule X. Il y a des morceaux un peu plus courts et c'est plutôt très réussi. Et on a enchaîné avec le retour de Crocus Behemoth qui sera bientôt en concert dans le bourg. Il s'agit bien évidemment de la formation Père Ubu qui joue comme de juste à l'Ubu. Ce sera demain soir, 3 février, si vous êtes dans le bourg brétilien. Voilà, donc on a écouté un extrait de leur disque Carnival of Souls, un des titres qu'on n'avait pas écouté, le quatrième donc extrait. On a écouté à peu près la moitié de ce disque qui est sorti conjointement en vinyle et en CD, avec des pièces un peu alternatives entre les deux éditions. Et d'après le site de monsieur David Thomas alias Père Ubu, ça devrait être plutôt pas mal, puisqu'il y a aussi une première partie assurée par The Père Ubu Moon Unit qui va jouer un set de 45 minutes en prélude au concert de la formation Père Ubu elle-même, apparemment pas accompagné par les films qui illustrent les deux derniers opus de Père Ubu. Ce sera des pièces anciennes et récentes du répertoire du combo de Cleveland. Et pour ne rien gâcher, la soirée se terminera avec monsieur Pierre Fablet alias DJ Pur et Dur, qui proposera des sélections plutôt d'obédience no wave de la fin 70, début des années 80. On va continuer avec monsieur Charles Hayward, musicien britannique bien connu pour avoir été le batteur de la formation brillantissime This It et aussi de pas mal d'autres choses, notamment The Quiet Sun, un groupe de Canterbury. Il a fait d'ailleurs partie très très très très, très sporadiquement de Gong et aussi de Camberwell Now dans les années 80. Alors, il continue à publier des choses à intervalles réguliers avec des musiciens, des nouveaux musiciens, des jeunes musiciens. Celui-ci s'intitule Anonymous Bash, il est sorti sur le label Samar Beta au mois de décembre et il fait suite à une résidence d'un mois à Salford à côté de Manchester, une résidence menée avec une vingtaine de jeunes musiciens qui comptent dans les musiques de rock de traverse du côté de Manchester, donc des musiciens qu'on a pu rencontrer au sein de Knod ou encore de Partman on Both Sides ou encore de deux formations totalement inconnues au bataillon en ce qui me concerne, les groupes Horrid ou Coyd Carp. Donc on peut considérer ce Anonymous Bash comme un instantané des musiques innovatrices de tout ce qui se passe du côté de Manchester aujourd'hui et qui est plutôt bouillonnant. On écoute un extrait de ce disque de Charles Hayward, Postcode Scam. We'll be right back. On a démarré cette sélection de musiques indociles, comme auraient pu l'appeler nos camarades de Cafioul, avec le brillantissime Charles Seward, le batteur spécialisé en contretemps depuis le début des années 70, qui joue aussi d'ailleurs avec Massacre aux côtés de Fred Frith et de Bill Laswell, qui se retrouve sur ce projet Anonymous Batch en compagnie de compatriotes du côté de Manchester, une tribu d'une vingtaine de musiciens avec lesquels il a travaillé pour des pièces de rock improvisé et un tantinet expérimental. Il y a pas mal de choses sur ce disque qui part dans pas mal de directions. Il y a des chanteuses, il y a assez peu de guitare, à la finale plutôt de la basse et pas mal d'électronique, du violon, comme on entendait sur la pièce qu'on a écoutée de ce disque Anonymous Batch sorti sur le label Samar Beta, qui était l'organisateur d'ailleurs de ces rencontres improvisées entre Charles Seward et ses musiciens mancuniens, qui étaient enchaînés avec le grand retour du combo féminin qu'on avait beaucoup adoré il y a de ça une dizaine d'années en arrière, les fameuses Eres Errata, qui viennent tout juste de sortir un nouvel opus qui répond au nom de Lost Weekend. Mesdames Ellie Erickson, Jenny Coyston et Bianca Sparta, qui apparemment vivent dans trois villes différentes. C'est peut-être pour ça qu'on les avait peu entendues ces dernières années. En tout cas, elles se sont rabibochées en 2012 et viennent de faire paraître donc leur quatrième disque long, même si long, c'est plutôt une petite vingtaine de minutes, ce qui est un peu ce qu'a pratiqué d'ailleurs sur leurs premiers albums qu'on avait beaucoup écouté vers 2003-2004 et qu'on vous avait proposé d'ailleurs dès la première émission L'Asile le plus sûr, l'émission qui avait initié donc ma présence à Canal B, c'était je crois à la fin du mois de septembre 2003. Et donc Eres Errata et ce disque Lost Weekend sorti sur leur propre label Under the Sun. On va continuer avec un trio de musiciens que j'adore. Il s'agit du batteur ferrailleur Jean-Noël Cognard en compagnie de Patrick Muller à l'électro-sonic et de Jean-François Pauvros à la guitare malmenée ou ampli malmenée, comme vous préférez. Ils avaient fait paraître un double LP sur le brillantissime label de monsieur Cognard, Block Thyristor, en 2010, qui était coédité avec le label de Patrick Muller, qui s'est plutôt spécialisé autour de la poésie sonore et de l'expérimentation électroacoustique, mais qui produit aussi des choses improvisées telles que Tribrac, donc son label Trace, et donc ces deux labels récidivent avec un nouvel opus de cette formation qui répond au doux nom de Le passé du futur est toujours présent. Un très bel LP présenté dans une pochette sérigraphiée et dessinée par monsieur Mika Puce. Et il y a une version donc CD qui accompagne, toujours produite par le label Trace. Alors j'hésitais un peu entre vous passer la galette vinyle ou le CD, et finalement je me suis dit que le disque vert de Tribrac ferait un très beau contraste avec le blanc des studios de Canal B. On écoute donc Tribrac dans L'Asile le plus sûr. toujours dans les îles le plus sûr sur antenne du 94 MHz avec le trio Tribrac qui m'a éclaté un tympan. Le bouton du volume du casque étant bizarrement accessible dans ces nouveaux studios de Canal B. Le disque s'intitule Le passé du futur est toujours présent. C'est presque une tautologie et c'est le trio de Jean-Noël Cognard en compagnie de Patrick Muller et Jean-François Pauvros. Édition vinyle accompagnée du CD chez Bloc Thierry Store. Ou version uniquement CD si votre platine a rendu l'âme sur le label Trace Lab. Tout ça c'est disponible auprès de l'excellent distributeur Metamkin, de même que l'ensemble de la production des blocs Thierry Store, une dizaine de très belles galettes toujours colorées, toujours sérigraphiées, parfois avec des motifs en relief. L'excellent label de monsieur Jean-Noël Cognard, batteur parisien, qu'on entendait là dans un registre plutôt free rock et qui pratique le jazz free de manière assez affinée, je dois dire. On lui consacrera peut-être une émission spéciale, un de ces quatre, ce serait bien qu'on réécoute l'ensemble de ses productions. On va continuer avec une rencontre entre deux musiciens qu'on n'avait jamais entendu tous les deux. Il s'agit de Eric M, le platiniste marseillais, en compagnie de l'Autrichien Martin Brandelmeier, qu'on connaît pour pas mal de choses, notamment sa participation au sein du trio Radiant, ou encore du trio Trappist, et puis de pas mal d'autres projets d'improvisation libre en Autriche. Le disque s'intitule Ecotone, il est sorti sur la marque Microtone Records, qui est une marque russe qui produit des choses plutôt très très bien, de l'improvisation de haute volée. Vous avez passé l'an dernier la rencontre entre Eric M et Catherine Jauniot. C'était un double CD, celui-ci est un disque simple. On écoute le titre qui termine cet opus de Eric M en compagnie de Martin Brandelmeier. Le disque s'intitule Ecotone et le morceau Undersense. Deux improvisations chatoyantes pour bien inaugurer nos nouveaux studios de Canal B. Tout d'abord, la rencontre entre Eric M. et Martine Brandelmeyer, le disque Ecotone. On écoutait le titre qui terminait ce disque publié par Microtone Recordings, le titre Undersense, qui était enchaîné avec le morceau qui referme le disque solo de Michel Doneda, qui répond au nom de Everybody Digs Michel Doneda, qui doit vouloir dire quelque chose comme tout le monde adore Michel Doneda. C'est publié par le label américain Relative Pitch, qui est une très très belle marque de disques spécialisée dans le jazz contemporain et l'improvisation, avec des productions vraiment très réussies. Et celui-ci de Michel Doneda ne déroge évidemment pas à la règle. On y retrouve le saxophoniste soprano spécialiste du souffle continu et des chointements à partir de son tube dans une session qui avait été enregistrée à la chapelle de la Planque, une église romane du côté de Tanus. Voilà, on va se quitter d'ici quelques minutes, le temps pour moi de vous rappeler que l'ensemble de ce programme et l'ensemble de cette playlist est disponible à partir du blog de l'émission asile35.blogspot.fr. Je voulais aussi vous donner une info concert avant de vous quitter, avec la soirée à ne pas manquer de Kervinu Records. Ce sera ce samedi 7 février au Barrick, avec le groupe totalement inconnu au bataillon en ce qui me concerne, Strasbourg, et Tamara Goukasova, Archlov aussi, donc tout ça organisé par les gens de Kervinu Records et monsieur Lester Brome, qui a posté le message suivant: vu que je me fais défoncer la tronche à chaque concert, le prochain est samedi au Barrick. Avis aux amateurs. Voilà, on va se quitter avant de se retrouver bien évidemment lundi de la semaine prochaine avec un CD sorti par l'excellente marque Bicoc Records, qui sort un disque en duo entre Thomas Bonvalet alias Los au banjo, micro, diapason, amplificateur, orgue à bouche et autres plaques d'harmonica, en compagnie de Jean-Luc Guyonnet, qui n'est pas au saxophone mais à l'orgue. C'est sorti très récemment, donc en version CD gatefold, et c'est enregistré live au temple protestant de Bergerac en octobre 2010. Une seule pièce d'une bonne quarantaine de minutes. Ça sera un très très bon prélude à une excellente nuit et à un décollage à la verticale. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.